envoie le son du 7-8. Dealer focus. Yo, what's good, baby? C'est ça. Chaque phrase et chaque mot blesse. L'album me rappelle que le petit l'a fou une bosse. Ok, la distance et les dépenses en chien. Quand on sait que l'homme de bande recense. Partir en studio sans un ticket resto. S'il fallait le refaire, je le ferais. Let's go. J'ai pris le mic et fait du bruit. Putain, lever les mains, putain, lever les bras. Ok, j'ai géré le bord. Bord, silence, brolic à bord. Anti-contrôle de keuf, anti-juge, anti-port. 118 écrans gros sur ma chaîne, je la fais sur une jambe à peine. Une fois sorti, tu grimpes dans ma benne. Slam, s'ils veulent tester, dealer, c'est pas la peine. Oh, oh, la fouine, oh. Plus tu montes dans ce bis, plus on veut ta peau. Oh, oh, la fouine, oh. La vie est une chaîne, je la fous sur le doigt trop. Les MC sont pas prêts, les MC sont pas pro. Bloqués sur leur rythmique, paix à leur musique. Respect à la fouine, respect aux Yvelines. Respect aux petites trusses, aux anciens de ma ville. Qui trafique les armes, qui trafique les kills. Restez tranquille, restez tranquille, restez tranquille. Bienvenue dans mon 78, trahir tes potes. C'est pas la peine. Bienvenue dans mon club, à ma table, gérer nos bords. C'est pas la peine. Bienvenue dans mon square, dans ma tête, c'est frimé dans ta caisse. C'est pas la peine. Yes, t'es, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Bienvenue dans mon 78, tu trahir tes potes. Bienvenue dans mon club, à ma table, gérer nos bords. C'est pas la peine. Bienvenue dans mon squad, dans ma tête, c'est primé dans ta caisse. C'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Ok, mes premiers papures à la sonze, à la tâche, chien de la casse. Tu veux te noyer dans le rap, bois la tasse. Le rap français est frustré dans la passe. Il veut plus innover, alors ils se font dans la masse. Oh, la main sur le brolic, l'autre sur le bolide. Lyric à l'homicide, t'es boulant 2,5 avec une plaquette et demi. Si, si, la famille, oh la, oh la, zombie. Ils n'aiment pas nos mots, cherche pas tes coupables. Si tu t'appelles Momo, Moussa ou Pecho, Boubacar ou Toum. Ils veulent caser en prison, Steven Chaza. Darbeidam, Dinak, Dima. Toujours les mêmes anciens, Tema, Tema. J'ai pas toujours emprunté la bonne voie, mec. Et souvent critiqué comme Raymond Domenech. Oh, oh, j'fume, j'assume. Cherche la merde et je cherche les thunes. Oh, oh, mon son attire les roues, les banlieusards, le rôle, les toxicos, les roues. Oh, oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. On dit quoi à la fouille? C'est pas la peine. Bienvenue dans mon 78, trahir tes potes. C'est pas la peine. Bienvenue dans mon club, à ma table, gérer nos bords. C'est pas la peine. Bienvenue dans mon square, dans ma tête, c'est frimé dans ta caisse. C'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Bienvenue dans mon 78, trahir tes potes. C'est pas la peine. Bienvenue dans mon club, à ma table, gérer nos bords. C'est pas la peine. Bienvenue dans mon square, dans ma tête, c'est frimé dans ta caisse. C'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est Fouine, focus. Good, my nigga. What's up? La Fouine. Yeah.